La statue de la colère, une modeste statue réalisée dans le plus pur style stalinien et qui représente un soldat de l'armée rouge, mais une statue qui est devenue en Estonie un enjeu symbolique et a même provoqué en 2007 de véritables émeutes au cours desquelles un jeune homme est mort. Cependant, à la différence de l'urinoir de Clochemerle, la présence de ce monument sur une place de Tallinn, la capitale de l'Estonie, a fait ressurgir un passé douloureux. Celui d'un pays qui, après avoir été brièvement indépendant, a été successivement occupé par les Soviétiques avant de subir à nouveau pendant presque un demi-siècle la férule de Moscou. Un passé douloureux parce que entre collaborateurs et résistants. Comme les deux autres républiques baltes, a recouvré son indépendance. Mais la présence d'une forte minorité russophone et permet aux puissants voisins russes de peser sur les affaires d'un pays qui a pourtant rejoint l'Alliance Atlantique. Car à côté de cet épisode de la statue de la division, se livre une confrontation beaucoup plus souterraine, à base d'espionnage, de guerre du gaz, de cyberattaque et même, plus surprenant encore, qui a fait naître de terribles soupçons à propos du naufrage d'un ferry qui a précipité dans la mort plus de 850 passagers. Monsieur X poursuit son récit, une histoire à forte odeur de guerre froide. Malgré la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'Empire soviétique, Moscou n'a jamais digéré de voir ses anciens satellites l'échapper et même rejoindre l'adversaire d'hier, c'est-à-dire l'Alliance Atlantique. Ouais, une véritable humiliation. Ouais, c'est dans cette optique qu'il faut décrypter quelques événements récents comme la guerre de Géorgie, le conflit gazier entre Kiev et Moscou et les tensions au sujet de la petite Transnistrie, ce bastion russophone coincé entre la Moldavie et l'Ukraine. À des centaines de kilomètres de la frontière russe. C'est également cette grille d'explication qui permet de comprendre la soudaine décision du président du Kirghizistan qui vient de fermer la base états-unienne de Manas. Ouais. Une base pourtant très utile aux forces de l'OTAN qui combattent en Afghanistan. Il règne donc, alors, si je vous entends bien, un esprit de revanche au Kremlin. Ah ben ça me paraît évident. Alors revenons vers la petite Estonie qui, en plus de la fameuse querelle de la statue soviétique dont je vous ai entretenu la semaine passée, vient d'être secouée par une considérable affaire d'espionnage. Oui, la trahison d'un haut responsable estonien de l'OTAN. Hein. Et je vais longuement développer cet épisode. Auparavant, je dois vous dire que d'autres graves affaires d'espionnage ont... une sorte de tradition dans ce pays, puisqu'un historien a soutenu, avec des arguments sérieux, que pas moins de 3 présidents estoniens d'avant-guerre avaient été des agents d'influence à la solde du Kremlin, dont Konstantin Päts, considéré là-bas comme un héros national. Eh ben... pour un, celui d'un ancien agent du KGB, passé dans le nouveau service de renseignement estonien, et qui a été accusé par ses ex-employeurs russes de les espionner au profit des Britanniques. Ah oui. Donc, par rapport à cette affaire de trahison interne à l'OTAN, c'est une sorte de réponse du berger à la bergère. En quelque sorte, même si ces deux dossiers ne sont pas comparables en importance. D'abord, avant d'évoquer la personnalité d'Herman Sim, qui a causé de graves préjudices à son pays, mais aussi à l'OTAN, je voudrais évoquer une affaire assez mystérieuse et... celle du naufrage d'un ferry appartenant à une compagnie à la fois estonienne et suédoise, l'Estonia. Ça, oui, c'était au début des années 90. Une considérable catastrophe humaine, puisque 850 personnes, essentiellement suédoises et estoniennes, ont péri lors de ce naufrage en mer Baltique. Vous évoquez un mystère, mais je comprends bien que la cause a été rapidement éclaircie. On a incriminé la fermeture de... comment ça s'appelle ? La porte d'étrave du navire. C'est vrai, c'est vrai. Le ferry aurait pris la mer qui était assez forte ce jour-là avant que cette énorme porte métallique ait été totalement refermée. Et l'eau aurait pu s'engouffrer dans cette brèche. Oui, c'est en effet ce qu'on a prétendu. Mais ça n'a pas convaincu tout le monde. Bon, il y a d'abord un fait qui a intrigué. Très vite, les pays riverains, mais aussi la Russie et la Grande-Bretagne, ont signé un accord au terme duquel toute exploration de l'épave était interdite. Alors que dans un premier temps, à Stockholm, on avait déclaré qu'il fallait renflouer le ferry. Et bien pourquoi cette interdiction quand même inhabituelle hein? Parce que ces pays, et surtout la Suède, ont considéré que l'épave où se trouvaient encore les corps des naufragés était désormais un sanctuaire. Et qu'il convenait donc de laisser les morts en paix. Oui, ce sont en effet les arguments qui ont été avancés à l'époque. Mais un point m'intrigue, moi. Parmi les signataires de cet accord de sanctuarisation de l'épave, vous avez mentionné la Grande-Bretagne. À ma connaissance, ce pays n'est pas riverain de la Baltique. Oui, mais c'est très curieux, mais peut-être à vous proposer. En attendant, je voulais laisser entendre la thèse officielle au sujet des causes de la catastrophe suscite de nombreux doutes, d'autant que l'enquête a été conduite avec une précipitation qui semble suspecte. C'est pourquoi, en 2000, une journaliste allemande de la télévision et un milliardaire états-unien ont décidé d'y voir plus clair. Oui, de quelle façon alors? En effectuant des plongées, ce qui ne pose pas de grandes difficultés, car comme vous le savez, la mer Baltique n'est pas une mer très profonde. Cependant, il y a cet accord-là interdisant toute exploration de l'épave de l'Estonia. Sans doute, mais le ferry a coulé dans les eaux internationales. Il est donc difficile d'interdire à une équipe de plongeurs d'aller faire un tour au-dessus de l'épave. Pourtant, la marine suédoise va faire tout ce qu'il est possible pour s'opposer à cette opération. Mais justement, alors, avant de voir ce point précis, quel était l'objectif des plongeurs, là, ou plutôt de leurs commanditaires? Le milliardaire et la journaliste, soutenus par des proches des victimes, veulent tout simplement comprendre pourquoi l'Estonien a coulé. Oui, les vraies raisons du naufrage. Voilà. Tous des bâtons dans les roues. Mais la marine... Et même la justice suédoise qui menace de les poursuivre. Mais puisqu'ils opèrent dans les eaux internationales, ça me semble difficile, non? C'est vrai. Il n'empêche que le milliardaire Greg Bernice, un homme passionné par la récupération d'épaves, fera l'objet d'un mandat d'arrêt. En tout cas, même les ronds dans l'eau des bâtiments de guerre suédois n'y peuvent, mais les plongeurs équipés de robots passent à l'action. Et que découvrent-ils, hein? Selon ce que leurs commanditaires ont affirmé ensuite, ils auraient mis en évidence un trou. Donc, près de la porte d'étrave. C'est ça. Mieux, les plongeurs auraient découpé des petits morceaux de la coque et les spécimens repêchés, examinés en laboratoire, auraient porté des traces d'explosifs. Mais vous n'êtes pas affirmatif, là. Bon, parce que toute cette affaire a été entourée d'un grand flou. Et surtout, elle a déchaîné une véritable polémique. Les autorités suédoises ont riposté en présentant un film de la coque où celle-ci paraît intacte. Partisan de la thèse de l'attentat, ces vues sous-marines auraient pu faire l'objet d'un montage. Ouais, alors, votre avis à vous ? Écoutez, moi je n'ai pas plongé. Mais la version de l'attentat permet d'expliquer le témoignage de quelques survivants qui ont distinctement entendu des bruits d'explosion avant que le navire ne sombre. Cependant, ce sont les développements ultérieurs qui ont, sinon accrédité la version de l'attentat, sur l'origine du naufrage. De quoi voulez-vous parler, là ? C'est d'abord la déclaration d'un ancien responsable qui affirme que l'Estonia était utilisée pour le transport clandestin d'équipements militaires dérobés en Russie. Deux livraisons avaient déjà été effectuées quelques jours avant le naufrage. Mais quel matériel militaire ? Des équipements très sensibles, en particulier des systèmes de guidage électronique de missiles, et peut-être même du plutonium. Et ce n'est pas si extravagant que cela. La Russie de 1994 est alors un pays en pleine décomposition et où quelques trafiquants n'hésitent pas à se servir dans les arsenaux de l'ex-armée rouge. Oui. Services de renseignement occidentaux. Et c'est bien là où vous voulez en venir. Oui, les services suédois, mais aussi leurs homologues britanniques auraient orchestré ces vols à répétition. D'où l'implication alors de la Grande-Bretagne dans ce groupe de pays interdisant toute exploration de l'épave. Ah, ça me paraît assez plausible. Mais alors, que se serait-il passé ? Attendez, avant de vous répondre, je dois vous dire que la Suède a dû reconnaître que son armée transportait bien du matériel militaire dans les cales de l'Estonie. Ça, c'est quoi, un demi-aveu ? Oui, parce que Stockholm pouvait difficilement avouer qu'il s'agissait d'équipements. Cet aveu tardif a jeté un véritable pavé dans la mare. Et l'Estonie, concernée au premier chef, a demandé aussitôt la réouverture de l'enquête sur les causes du naufrage, ce que la Suède a refusé. Mais ça aussi, ça ressemble à un autre aveu. C'est ce que je pense, oui. Alors, je vous repose la question. Quelle est votre explication ? Attention, il ne s'agit que d'une hypothèse, même si elle me paraît hautement probable. Les services russes, d'une façon ou d'une autre, ont percé le secret de cette contrebande d'armes sophistiquées qui se pratique à leur encontre. Et ils décident de réagir. Oui, mais ils ne veulent pas provoquer un naufrage au cours duquel des centaines de passagers innocents trouveraient la mort. Non. En posant une ou plusieurs mines contre la coque du ferry, ils désirent simplement obliger l'Estonia à faire demi-tour. Et les Russes pensent non sans raison qu'en opérant ainsi, ils adresseront un sérieux avertissement aux différents responsables de ce trafic clandestin. Oui, mais les choses tournent mal. Et après l'explosion de la mine, l'Estonia est plus gravement touchée qu'ils ne le pensaient. Ils sont extrêmement fragiles. Oui, bref, c'est la catastrophe. Et la Suède, directement impliquée dans le trafic, n'a rien de plus pressé que le tout tenter pour étouffer l'affaire. Aidée d'ailleurs en cela par la Grande-Bretagne, qui n'est pas non plus tout à fait nette. Voyez donc qu'il existe dans cette région de la Baltique un climat latent d'espionnite. Et c'est dans ce contexte qu'il faut décrypter l'affaire Hermann Sim, une histoire d'espionnage sans précédent pour la petite Estonie. Et qui a aussi toucher toute l'organisation de l'Alliance Atlantique. Oui. Je dois aussi vous dire que cet espion n'est pas tout à fait étranger à l'affaire de l'Estonien. Ah oui, il y aurait joué un rôle, là. Bon, pas directement, mais en 2006, Sim, alors à la tête de la sécurité du département du ministère de la Défense, a été interrogé par la commission parlementaire chargée d'enquêter sur le drame de l'Estonien. On voulait savoir si le ministère était au courant du trafic d'équipements militaires à bord du ferry. Mais pourquoi l'interroger lui ? Oh, parce qu'à l'époque, il a supervisé les recherches de survivants. À cette occasion, d'ailleurs, il a sans doute glané de précieuses informations sur le ferry et sa cargaison, et informé immédiatement son officier traitant russe. avec X. Avant de parler d'Hermann Simm, un petit retour sur le naufrage de l'Estonia. J'ai retrouvé le rapport établi par la journaliste allemande Ruta Rabe et l'homme d'affaires américain Greg Bernis qui ont procédé à l'exploration de l'épave grâce à des plongeurs et un robot. En voici un extrait. Le robot a immédiatement été dirigé vers l'extrémité de la dune couvrant la carène. Tout le monde a retenu son souffle. Sur l'écran, dans la coque, on voyait bien un trou. Il se trouvait exactement à l'endroit où, selon les plans de l'épave, devait se trouver une tôle d'acier. Or, aucun rapport de la commission d'enquête ne le mentionne. Les résultats de nos recherches démontrent que, à bord de l'Estonia, il y a eu une explosion. Il a sombré pendant une tempête parce que trois explosions ont privé la proue de protection. Les vagues ont envahi le pont des véhicules et le ferry a commencé à couler. Le trou dans la carène au-dessus de la ligne de flottaison, visible sur les moniteurs de l'expédition, a accéléré la catastrophe. Autre information qui court depuis des années, selon les Isvetia, mais aussi le Spiegel, Stern et le Daily Mail, le ferry transportait des produits de contrebande. Les journaux citent un rapport qu'ils ont obtenu des ex-employés de l'ex-KGB. Ils affirment qu'à bord de l'Estonia se trouvaient cette nuit-là deux camions remplis d'héroïne et d'isotopes de cobalt radioactif. Juste avant le départ, le terminal où se trouvait le bateau aurait été encerclé par des soldats et deux gros camions Scania. Aucun de ces véhicules n'a été enregistré sur la liste du fret. Hermann Simm, donc. Au début des années 70, il commence par suivre des études de chimie à Tallinn. Puis assez vite, il bifurque et rejoint l'académie du ministère de l'Intérieur. Il veut devenir policier. Un milicien, comme on disait à l'époque soviétique. Et cet Estonien de sous caractère jovial connaît une progression de carrière fulgurante au sein de la police du régime. Et après l'indépendance, il devient même chef de la police estonienne. On ne lui a donc pas reproché ses activités sous l'ancien régime. Ah, bien au contraire. Car lors de la période qui conduit l'Estonie à l'indépendance, donc pendant les tout débuts de la décennie 90, il fait preuve d'un patriotisme sourcilleux. Il affronte même physiquement un groupuscule russophone qui voulait attaquer le Parlement. Un exploit qui lui confère une grande popularité. Et explique sa promotion à la direction de la police. C'est certain. Cependant, à ce poste important, il ne donne pas entièrement satisfaction. Et on lui confie une tâche. Une sorte de rétrogradation. Apparemment. Pourtant, on le retrouve en 2001 à la tête d'un tout nouveau département de la sécurité. Un organisme chargé de coordonner la protection des secrets d'État et aussi de sécuriser toutes les communications classifiées entre l'Estonie et ses alliés. L'OTAN, oui. Que l'Estonie a rejoint en 2002, je vous le rappelle. Donc, c'est un poste de confiance, par conséquent. Et cette fois-ci, Simm remplit sa tâche à la perfection, et même avec une grande rigueur, de l'avis des principaux ministres avec lesquels il est en relation. Un fonctionnaire au-delà de tout soupçon. Oui, oui. Et cette confiance totale qu'on lui accorde lui permet même de devenir le contact officiel entre l'OTAN et l'Estonie. Muni d'un passeport diplomatique spécial, il peut aussi se rendre régulièrement à Bruxelles, siège de l'Organisation Atlantique, où il récupère les documents les plus sensibles. Oui, autant dire que l'OTAN n'a plus beaucoup de secrets pour lui. C'est bien ce que je voulais vous dire. Toutefois, son ministre de tutelle, le patron de la Défense, ne partage pas vraiment la confiance que tous les autres membres du pouvoir lui accordent. Ah, pour quelle raison il le soupçonne de trahison? Ah, pas du tout. Je trouve que le personnage est instable et même psychologiquement fragile. Un type qui manipule tellement de secrets, ça c'est inquiétant. Oui, car Simm développe des conduites proches de la paranoïa. Il se plaint en particulier d'avoir été l'objet de manœuvres d'espionnage ou de menaces. Bah, ce qui pourrait ne pas être tout à fait invraisemblable, étant donné ses fonctions. Hein. Ouais, enfin, quoi qu'il en soit, en 2006, Sim finit par remettre sa démission. Mais il ne quitte pas le domaine de la sécurité, puisqu'il devient conseiller auprès du ministre. Une voie de garage, quand même. On peut le penser. D'ailleurs, Mais jouissant d'une semi-retraite, il devient professeur de lycée. Ça, c'est une drôle de reconversion. Hein? Certes, mais il donne des cours sur la défense de l'État estonien. Et ça ne manque pas de sel quand on connaît la suite. Un dernier détail, peut-être. Son épouse. Elle est même la femme la plus gradée de ce service. Alors, elle était peut-être bien placée pour nourrir des soupçons à l'encontre de son mari ? Eh bien non, non. Lorsque Sim sera arrêtée, elle sera elle-même appréhendée. Mais les enquêteurs se rendront vite compte qu'elle ne connaissait rien des activités clandestines de son mari. Et elle ne tardera pas à être innocentée. Et lui, Hermann Sim, alors, comment va-t-il tomber ? À mon avis, l'homme aurait dû être surveillé depuis longtemps. Ça signifie qu'il ne l'a pas été. Et c'est une faute grave. Car si, comme on le fait régulièrement pour tous les agents importants des services de renseignement, on s'était intéressé à son patrimoine, on aurait été forcément alerté qu'on a découvert que Sim avait acheté plusieurs maisons et des terrains. Il trahissait donc pour de l'argent. C'était certainement l'une de ses motivations, mais peut-être pas la seule. Car ce type était fasciné par le monde de l'espionnage. Toutefois, je réponds à la question que vous m'avez posée à propos de son arrestation. En fait, il a été découvert par ricochet. C'est-à-dire ça ? Depuis le milieu de l'année 2007, les services occidentaux avaient la conviction qu'il existait des fuites au sein des instances de l'OTAN. Dans leur collimateur, il y avait un certain Jesús Suárez, un homme qu'ils soupçonnaient d'être un agent russe. Un illégal, comme on disait du temps de la guerre froide. Il y a des précisions alors sur ce dernier personnage ? Le peu que je sache me permet quand même de vous dire qu'il s'agissait d'un homme d'affaires portugais, qu'il habitait Madrid et qu'il voyageait beaucoup, surtout à l'intérieur de l'espace Schengen. Ouais, où l'on peut passer les frontières sans devoir exhiber sans cesse ses papiers. Hein. Ce Suárez a donc fait l'objet de nombreuses filatures. Ouais, on voulait le prendre la main dans le sac. Et aussi identifier tous ses contacts. Et c'est ainsi qu'à l'automne 2007, il a été vu avec Sim dans un pays d'Europe du Sud. Sans autre précision ? C'est normal. Cette affaire très récente comporte encore beaucoup de zones d'ombre. Mais je poursuis. Sim, rapidement identifié, a donc été ensuite surveillé par les services secrets de son pays pendant plusieurs mois. Et finalement, en septembre 2008, il a été arrêté. Et Jesús Suárez, là ? Le portugais, ou prétendu tel, malgré le mandat international qui a été lancé contre lui, a disparu. Mais et si c'était réellement un espion russe, hein ? Il ne faut pas chercher trop loin là où il a dû aller. Oh, vous avez certainement raison. Et Sim, lui, a avoué après avoir trahi au profit des Russes ? Oui, mais il a aussi affirmé qu'il avait également travaillé pour un service occidental, le BND allemand. J'en doute alors ? Cependant, on n'y croit pas beaucoup. Sim a certainement inventé cela pour noyer le poisson et persuader les enquêteurs qu'en réalité, il joue un double jeu avec ses maîtres russes. Et a-t-on évaluer l'importance des informations qu'il a transmises à Moscou. Oui, c'est assez considérable. Alors, je vous donne ça en vrac. Sim aurait livré de précieux en mission sur les guerres du Kosovo et de Géorgie, sur les systèmes antimissiles états-uniens devant être implantés en Europe, sur le cryptage des communications et des codes utilisés. Et enfin, nous en avons parlé au cours de notre dernière prise par l'Alliance Atlantique pour faire comme celle qu'a connue récemment l'Estonie. Et tout ça fait en effet beaucoup. Hein. Au fait, Sim, comment a-t-il été recruté par les Russes ? Oh, vraisemblablement pendant la période soviétique. Alors, lorsqu'il était encore un jeune milicien ? Oui, promis un bel avenir, et selon certaines sources, il aurait pu être victime d'un chantage parce qu'il se serait livré au marché noir. Mais après l'indépendance, le SVR, c'est-à-dire l'héritier du KGB, aurait pu simplement menacer de révéler son passé de collaborateur. Et puis, m'avez-vous dit, il y avait chez lui l'appât du gain, hein ? En tout cas, les services occidentaux, essentiellement anglo-saxons et estoniens, ont réussi une belle prise en démasquant Hermann Sim. Mais ils ne se sont pas rassurés pour autant. Pourquoi ? Parce qu'ils ont très peur qu'il existe d'autres Hermann Sim. Ou en Estonie ? Oh, pas seulement. Dans toutes les autres anciennes républiques soviétiques et démocraties populaires où le KGB avait recruté, si je puis dire, de la main-d'œuvre locale. Or, La plupart de ces États ont rejoint l'OTAN. Et il y a donc de fortes chances qu'on découvre d'autres taux. C'est ma conviction. Avec X, Patrick Pénaud, tous les samedis à 13h20 sur France Inter. Vincent Jauvert, journaliste au Nouvel Observateur, a souvent livré pour cet hebdomadaire des informations inédites. Enquêtant sur la trahison de Sim, il fait état d'une source anonyme, je le cite, son article apparu en décembre 2008. Dit cet expert, n'ignore sans doute plus grand-chose des capacités du renseignement estonien, de ses cibles, de ses techniques, en particulier d'interception. Ce dernier point est très important parce que ce pays balte est une plateforme d'écoute des activités militaires russes dans la région de Saint-Pétersbourg où se déroulent beaucoup de manœuvres stratégiques. Ces installations secrètes d'interception sont donc désormais probablement compromises. C'est une grande perte pour l'Estonie et pour l'OTAN. Il y en a d'autres. Grâce à SIM, ajoute la même source, les Russes connaissent beaucoup mieux le fonctionnement interne de l'Alliance Atlantique, ses circuits d'information et probablement certaines de ses méthodes de chiffrement les plus sensibles. Vous avez donc compris que ce climat d'espionnage était une donnée permanente en Estonie. Pays baltes. À cause de la longue occupation soviétique. Et encore les autres affaires qui ont affecté dans un sens ou dans l'autre les rapports entre cette petite république et son ancien tuteur, la Russie. Cependant, une autre question d'importance pèse sur les relations entre les deux voisins. Et c'est peut-être même le prisme à travers lequel il faut voir tout cela, y compris la manipulation des Estoniens russophones par Moscou. Car de considérables intérêts sont en jeu et concernent même une bonne partie de l'Europe. Ah oui, je vois, le gazoduc. Oui, le gazoduc de la discorde, comme on l'appelle désormais. Alors, de quoi s'agit-il exactement? D'un projet gigantesque. La plus grande construction de gazoduc jamais entreprise. Un énorme tuyau qui transportera le gaz directement de la Russie vers l'Allemagne. Mais il existe déjà des gazoducs qui alimentent l'Allemagne en gaz russe. Certes, mais ce sont des tuyaux terrestres. La nouveauté, avec la construction de ce NEGP... Quoi ? NEGP ? Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire en anglais « pipeline du nord-est de l'Europe ». Enfin, plus simplement, on parle aussi du Nord Stream. La nouveauté, c'est que cette installation sera pour une grande partie sous-marine. Sous la Baltique, donc. Un trajet de 1200 au fond de la mer. Et j'imagine un coût tout aussi gigantesque. Ouais, au moins 5 milliards d'euros, rien que pour la partie immergée. Mais ce n'est rien, à côté des bénéfices escomptés. À commencer par le fait que ce trajet direct permettra de se jouer des frontières. Ouais, je vois. Et donc d'ignorer les pays baltes et la Pologne. Et qui ne pourront pas demander de droits de transit. L'autre avantage, et il est considérable. On l'a encore vu récemment, c'est de diviser par deux les exportations de gaz passant par l'Ukraine. Oui, parce que l'Ukraine est toujours accusée de siphonner les gazoducs. Et de ne pas payer ses dettes, oui. En outre, il y a derrière une autre ambition, celle de contrarier les projets européens qui visent à s'affranchir partiellement du gaz russe en s'approvisionnant en Asie centrale. Mais dans ce cas, il faudrait là aussi construire d'interminables tuyaux au sud de l'Europe. Des tuyaux qui partiront de la mer Caspienne en Azerbaïdjan et aboutiront en Turquie après avoir traversé la Géorgie. Et je pense que ça vous permet aussi de voir sous un nouveau jour les... dans ce dernier pays. Oui, bah, bien sûr, parce que tout ce qui pouvait affaiblir la Géorgie et la déstabiliser était bien dû. C'est ce que je pense. Ouais. Et là aussi, alors, le marché là, dans l'approvisionnement en gaz de l'Europe entend conserver ses privilèges. Donc, tout est bon pour ruiner le projet de gazoduc sud. Et on assiste en ce moment à une véritable course de vitesse. Ce sont les Russes. Nord Stream devrait entrer en service dès 2010, tandis que le projet Nabucco, celui de transport du gaz d'Azerbaïdjan vers l'Europe, n'aboutira pas. Et cette compétition très féroce joue de la division des pays européens qui ont été incapables de déterminer une politique énergétique commune cohérente. Ouais. Chacun tire à lui à dire quoi. Oui, c'est à peu près ça. Ouais. Et dans cette affaire, il faut bien reconnaître que l'Allemagne fait cavalier seul. Mais racontez là. Dès 2006, le puissant Gazprom, qui est le principal instrument économique du Kremlin, a recruté un VRP de choc. Ah oui, ça, c'est Schröder. Oui, Gerhard Schröder, l'ancien chancelier. Et là, on peut sérieusement se demander s'il n'y a pas eu confusion d'intérêts. Car c'est le même homme, alors qu'il dirigeait encore son pays, qui a signé un an plus tôt un accord avec Poutine. Un accord qui prévoyait déjà la construction de ce gazoduc immergé dans la Baltique. Et donc, quelques temps plus tard, on retrouve ce même homme au service de Gazprom, le promoteur du gazoduc. Bon, avouez qu'on peut se poser des questions. D'autant que lorsque j'ai parlé de VRP de choc, j'ai un peu minimisé sa fonction. En réalité, Schröder est le directeur exécutif du Nord Stream. Ah oui, c'est-à-dire l'homme qui est chargé de mettre en musique la construction de ce fabuleux gazoduc. Exactement. Au reste, même si cette confusion d'intérêts peut apparaître choquante, à commencer par l'amitié qui lie désormais l'ancien chancelier à Poutine, apparemment pas nuit à son pays. Avant que vous ne poursuiviez, là, il faut quand même observer que le chancelier Schröder s'est toujours gardé de condamner la Russie hein, quand elle conduisait son horrible guerre de Tchétchénie. C'est malheureusement exact. Alors, par contre, vous disiez que l'ex-chancelier n'a pas lésé son pays. En effet, l'Allemagne a tout à gagner à devenir un... En outre, notre voisin, qui a au moins temporairement renoncé au nucléaire, a d'importants besoins en énergie. D'accord, mais à terme alors, n'est-ce pas dangereux pour l'Allemagne de devenir aussi dépendante du gaz russe? C'est effectivement une question que les Allemands doivent se poser. Les Allemands, mais aussi tous les Européens, puisque les politiques énergétiques sont souvent interdépendantes, quoi qu'il en soit. Dès que le projet Nord Stream a été rendu public, il a fait l'objet de nombreuses oppositions. Ce sont d'abord les pays baltes et la Pologne qui sont montés au créneau. Oui, parce que la manne du transit leur échappait si ce projet sous-marin voyait le jour. Effectivement. Et non sans arrière-pensée. Le premier ministre polonais, Donald Tusk, a fait valoir qu'il existait un autre tracé pour transporter le gaz exploité au nord de la Russie. Un tracé terrestre. Oui, qui traversait le territoire polonais. Et bien entendu. Ce n'est pas tout à fait désintéressé, mais Tusk disposait aussi d'un autre argument de poids. Le projet de gazoduc terrestre, baptisé Ambre, est plus cher que le Nord Stream. De convaincre les Russes et... Mais les enjeux géopolitiques l'ont emporté sur les arguments strictement économiques. Et Moscou a décidé d'en rester au projet Nord Stream. Les enjeux politiques... Pour Poutine, il n'est jamais inutile de diviser les pays européens. Et surtout d'introduire des difficultés entre ces pays de l'Est, qui appartenaient autrefois à sa sphère d'influence, et les... La détermination de Moscou, les pays opposés au Nord Stream ont mis en avant de nouveaux arguments. Et d'abord l'argument écologique. Expliquez. La Baltique, comme vous le savez, est déjà l'une des mers les plus polluées au monde. Et le Nord Stream risque d'augmenter encore sa pollution. Comment, de quelle façon Et ça a été particulièrement vrai au cours de la Seconde Guerre mondiale, où les Allemands ont immergé des explosifs et des déchets chimiques. La pose du gazoduc sous-marin peut donc soulever tous ces dépôts dangereux et les faire remonter à la surface. Ah, et polluer encore un peu plus. Il n'a pas été difficile pour les autres pays riverains, Finlande, Suède, Danemark, de s'associer à leurs protestations. Est-ce que Moscou les a entendus ? Absolument pas. Le gazoduc se construira, et d'ailleurs, les parties terrestres sont déjà bien avancées. Alors, autre argument contre ? La Suède craint qu'une plateforme de maintenance qui doit être construite près de l'île de Gotland ne serve aussi aux Russes de base d'espionnage. Ah, l'espionnage, toujours, hein ? Eh oui, la question est cruciale dans toute la région. Enfin, une dernière crainte a été exprimée par les trois États baltes qui ont peur que la connivence énergétique entre Berlin et Moscou n'accroisse leur isolement et donc leur dépendance vis-à-vis de la Russie. Alors, Moscou encourage en Estonie ou en Lettonie les menées des russophones. Le Kremlin exprime aussi son mécontentement face à l'opposition à son projet de gazoduc. Mmh. Mécontentement ou menace ? Les deux, sans doute. Poutine, quand il le faut, n'a pas peur de la politique du gros bâton. Mais je voudrais revenir pour terminer sur un aspect très curieux de cette affaire. Les liens privilégiés qui se sont noués au moins en matière énergétique entre Berlin et Moscou. De quoi voulez-vous parler là ? Ou plutôt de qui ? Car c'est l'étrange personnalité d'un homme, celle d'un important directeur du NEGP, autrement dit du Nord Stream, cet Allemand, Matthias Warning. Et dans les années 1980, il était même chargé par son service de recueillir des informations secrètes sur l'aviation militaire de la RFA. Oui, l'Allemagne fédérale. Puis Warning, déplacé à la représentation commerciale de l'Allemagne de l'Est, installé à Düsseldorf, s'intéresse beaucoup au système bancaire. Il cible en particulier la Dresdner Bank. C'est pourquoi, tout de suite après la chute du mur, il est embauché par cette même banque pour monter une filiale à Saint-Pétersbourg. Ouais, ça, c'est pas banal, là. L'établissement bancaire recrute l'homme qui était chargé de l'espionner. Ah oui, mais qui connaissait parfaitement tous ses rouages. Ah, forcément, oui. Le pragmatisme allemand, c'est aussi cela. À Saint-Pétersbourg, notre Warning se lie assez vite avec celui qui devient l'homme fort de la ville. Oui, avant d'accéder aux plus hautes fonctions en Russie, c'est Vladimir Poutine. Exactement. Mm. C'est pourquoi je pense que la présence de ce Warning dans l'entreprise Nord Stream n'est pas tout à fait innocente et qu'il y a une forte odeur barbouzarde derrière toutes ces affaires. Dans son livre « La guerre du gaz », Rumiana Ugarchinska évoque ce Matthias Warning et donne de nombreux détails, et par exemple son nom de code lorsqu'il travaillait pour la Stasi, économiste. Autre livre du même auteur, le KGB à l'assaut de l'Europe. Je vous signale aussi Les Pays baltes, indépendance et intégration d'Antoine Jacob chez Alvic Éditions. Autant d'ouvrages dont vous trouverez les références sur franceinter.com, un site qui vous permettra aussi de pouvoir réécouter cette émission. À samedi prochain, merci à Michel Biou, Rebecca de Nantes et Monsieur Joub. Tout de suite, après le flash CO2 Mon Amour de Denis Chessou, on part en balade.